Rocket Police officials tell NBC News. Le 6-7. ADN Radio TV. It's time to wake up. Sur France Inter. On passe beaucoup de temps à s'entraîner au niveau physique, pas beaucoup au niveau mental. Puis c'est peut-être ce que les motivateurs nous apportent. C'est un entraînement du mental. Puis Dieu sait si le mental est important. On est à Montréal où François, que vous venez d'entendre, participe avec une quarantaine de personnes à un séminaire du motivateur Pierre Morency. Un motivateur au Québec, c'est un prêcheur qui donne notamment des séminaires et des conférences sur des techniques et des méthodes de succès personnel. On écoute le reportage de Damien Bertrand. À la seconde où vous vous placez au bon endroit, tout arrive pour vous tout seul. Je parlais hier du bicep. Le bicep n'a pas besoin de chercher du sang. Il a besoin de soulever la table. Et à la seconde où il commence son action de soulever la table, qu'est-ce qui arrive? Le sang arrive. Ce n'est pas son problème de trouver du sang, que nous appelons de l'argent. Pierre Morency est l'auteur du best-seller québécois « Demandez, vous recevrez ». Il y a 15 ans, il crée la Ligue du succès, une entreprise chargée de commercialiser ses conseils sous forme de livres, de CD et de séminaires. Si l'humour est assez professionnel avec les humoristes, en Amérique du Nord, le succès est l'expertise des motivateurs. Un marché extrêmement lucratif qui ne compte pas que des adeptes. Mickey Maggie est sociologue à l'université Fordham à New York. Les gens aiment croire qu'ils ont le contrôle de leur vie. Malheureusement, ça ne correspond pas à la réalité. Nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Mais personne n'a envie d'entendre ça. On ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et c'est extrêmement séduisant d'entendre quelqu'un qui vous dit qu'en réalité, vous contrôlez votre vie. Malgré ces critiques, le marché de la motivation ne connaît pas la crise. Les revenus générés par ces prêcheurs du succès sont estimés à plus $1 milliard par an. Apparu aux États-Unis, le phénomène gagne désormais de nouveaux marchés, comme le Québec, qui compte les premiers motivateurs francophones. Virginie est spécialement venue de Suisse pour participer au séminaire de Pierre Morency. Je trouve qu'il y a plus de choses quand même ici dans le Nord-Américain que chez nous. Il y en a chez nous, mais ça me parle moins en fait. Ils sont plus soft. Je crois chez eux, un truc un peu plus décrassant. Depuis quelques années, la proportion de participants européens a augmenté dans les conférences de motivation en Amérique du Nord. Tout porte à croire que ce genre de séminaire pourrait également se développer prochainement en Europe. Vous êtes dans la salle de cinéma, vous regardez un film et vous le détestez. Mais vous en parlez avec votre voisin. Vous continuez. La solution, c'est de vous lever, de changer de salle de cinéma et de laisser ce film tourner sans le voir. Ce sont les conseils du motivateur québécois Pierre Morency. C'était le reportage de Damien Bertrand. Il est 25:00 à Montréal, 6:25 à Paris.